Savin Bayo maturité. C'est pour ça le rencontré à ce bonjour. Qui dit que c'est jeune Jagala. Pour faut mieux pour ça pas passer. Boyo et où sont pour Mathieu. Pour faut mieux pour ça pas passer. N'a pas qu'à nous pas laisser. Facile ou un garçon faut être dans automobile pour être une femme. Mais femme pas besoin qui est ping piqué pour être un garçon. Ah oui, ça, c'est décrit. Oh oui. Et ça fait monsieur. Ouais, moi-même voilà. Moi-même voilà, pour péter chose là. Nous sommes tonton, regardez non. J'ai une femme d'avis devant vous dit vous aimez moi. Faut tout ça souffler pour raquer dans. Oui. Alors monsieur m'a pas de conseil. T'es une madame, non pas jamais c'est pas l'habitude. Parce que nous balle pas l'habitude maintenant ou non. Pour qu'un jour par exemple, je sais quoi qui vont battre. Mais à chaque fois pour me chaler dans la gueule, tout pour ma dame, mais dans Babrali, pour la battre quoi. Pour m'avoir une habitude là tout. Mais des 20 jours, je suis malade. Je ne vais pas faire ni avant ni bac. Maladie a vite confondu dans le budget. Pour la gueule, ça finit vite. Ça finit vite. Bah je vais le couper, c'est lui qui a privé quand même, c'est lui même qui a privé. C'est lui qui a privé. Oh, on a traversé. Cabrasé, là le bat coq. Non, bat coq, bat coq, bat coq. L'aime tout ça. Souhait qu'on calie, bon gagné, l'aime tout ça, souhait qu'on tout. Gégé goutette, gégé dit tête, hein. C'est pas grave ça, souhait ça. Comment gégé green bat, gégé green chaussette. Même moi-même. C'est type origine à homme. Parce qu'on s'est plastique lié. Et puis lui, il avec ça, ma poule quand même. Quoi? Nous sommes tontons. Poule à ma outside d'évolution. Et là, il a fait tout le bagage ça. Vous connaissez ma outside d'évolution. Il a fait tout le bagage ça. Mais mon Dieu, bon, je vais jouer bien. Je suis toujours capable de boule avec nous. Et puis, nous boule, boule, boule, boule. Et puis, voisin, les mangez, dit voisin. C'est pratique avant théorie. Et puis, oh, voisine de mes, nous allons essayer. Oh, oh, l'autre est sec, il sorti mouillé. Et puis, l'autre est pas gâté, c'est pas gâté, c'est pas gâté, c'est pas gâté, c'est pas pourtant, les sons bagaillons, c'est tec, tec, tec, tec. Et puis, voisine a tombé relé. Voisin, oui, voisin, pote m'secou, tu vas me faire gagner, voisin, oui, voisin, pote m'toi, kao, met sou ka mwen, mwen di yon chale nan mwen men. Gade nan mwen men poupe, son ton ton pot bay biya men, ton ton tel chou sou we la. Son ton ton gade nan ki tre tre tre tre tre tre, jipo kao. Gade nan, ou men ki la gap gade nan, defon nou monte la koule avin mwen yem, pou ki men vous.